Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 44e émission, nous recevons une nouvelle fois Riton, qui s'appelle désormais Eric Venitilli. Eric, bonjour à toi et merci d'être revenu nous voir. Rebonjour, alors désolé de squatter aux ondes, mais la semaine dernière c'était mon alter ego punk. Et cette fois-ci, vous recevez Eric Venitilli, le professeur producteur. Alors Eric, si nous vous avons invité à deux dates s'y rapprocher, c'est que nous profitons de votre venue à Paris car il se trouve que vous vivez au Venezuela. Nous allons en parler tout de suite. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je me trouve accompagné de mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Eric, bonjour Vincent, bonjour à tous. Eric, ma première question, pourquoi vous êtes-vous installé au Venezuela ? Oula, donc on va faire ça assez court. Donc si vous avez suivi la dernière émission, je viens de la musique électronique et du cinéma expérimental. J'ai habité pendant en fait 20 ans après la création de mon premier studio d'animation 3D au Québec. Et au Québec, j'ai travaillé dans diverses activités comme professeur de modélisation 3D pour le jeu vidéo, comme réalisateur d'effets spéciaux pour Hollywood, quelques réalisateurs de vidéoclips pour certains amis musiciens de Montréal. Et donc, il se trouve que j'ai vécu toute cette horrible époque du Premier ministre Harper. Et j'ai eu la bonne idée de me suicider socialement et de devenir un dissident. Alors, comment ça s'est passé ? Vous vous souvenez peut-être qu'en 1998, j'ai publié un premier roman de science-fiction dans lequel je me moquais des transhumanistes et des technomondains, ce que j'appelle les technomondains, donc en fait de la clique qui dirige notre cher Gaulle. Et en 2003, j'ai publié un essai dans lequel je faisais un résumé de mes expériences en tant qu'informaticien en communication, on va dire, en général. Donc toutes mes expériences dans le domaine du web, dans le domaine de la 3D, etc. Mais surtout, en fait, ce pamphlet-là était dirigé contre les élites, ce que j'appelle les cyberprophètes ou les prophéteurs. Et donc, en fait, une approche assez situationniste aussi du problème. Étant donné que, dans mon esprit, le grand public est passé d'une exploitation ou d'une réification de type marchand à une exploitation de type électronique ou postmoderne. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on ne se contente plus de vivre à travers la marchandise, mais de vivre à travers les réseaux, de vivre à travers les lifestyles, comme on dit en bon français. Et tout ce système-là a été mis en place à la fin des années 90. Donc je me moquais entre autres de la petite mafia qui contrôle le domaine des jeux vidéo à Montréal. Et toute cette mafia-là, c'est beaucoup d'argent. Montréal est devenu le quatrième centre donc, de production de jeux vidéo au monde. Et donc avec entre autres Ubisoft, donc le premier producteur français de jeux vidéo. Donc tous ces gens-là sont assis sur des budgets. Et Riton a mis un peu son bordel. Il s'est moqué de tous ces gens qui nous promettent monts et merveilles et qui, en fait, sont en plein dans le bluff technologique. Résultat des courses, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon appartement. Je me suis donc retrouvé à la rue. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, si vous vous contentez d'essayer de bien faire votre travail, si vous commettez l'erreur de dire la vérité, vous êtes socialement mort. Alors donc, j'ai pas été mis en prison comme ça aurait pu être le cas dans certaines dictatures classiques ou en hôpital psychiatrique. Donc j'ai simplement reçu la correction actuelle qui est celle de ne plus exister et socialement et médiatiquement. Donc, résultat des courses, au bout de 20 ans au Québec, j'en ai eu plus qu'assez de la vie du paradis libéral. Et réellement, je ne supporte plus. Donc, on va dire que ça m'a définitivement vacciné contre le rêve américain qui me motivait, en même temps que Dantec d'ailleurs, qui avait été la motivation du départ en Amérique du Nord. C'est étonnant ce que vous dites, parce qu'on présente souvent le Québec en France comme un Eldorado, où beaucoup de jeunes partent. Alors oui, c'est exactement l'arnaque actuelle. Alors donc s'il y a des jeunes qui nous écoutent, et j'en doute pas, qui en ont marre de la France et de ses, ils appellent ça, de ses rigidités, etc. Bon, effectivement, on sait que c'est vrai. Le problème, c'est que le Québec, ouvre grand ses portes pour toutes ces générations, cette génération, c'est-à-dire qu'à partir de l'an 2000, on va dire, c'est des wagons de Français qui ont débarqué à Montréal. Nous, on a été juste l'avant-garde. Hein. Il y a eu plusieurs vagues, mais la plus grosse vague, c'était dans les années 60, vers mai 68. Donc c'était aussi le rêve américain, on va dire, à l'époque de mai 68. Et puis ça s'est calmé et c'est revenu après 2000, en 2005, on va dire, 2010. Les grosses vagues, notamment pour aller travailler chez Ubisoft. Donc le but, c'est quoi? C'est d'attirer les foules de cyberprolétaires français. C'est-à-dire de pouvoir utiliser une main-d'œuvre corvéable à merci, qui vont travailler donc dans des lofts à 10 heures ou 12 heures par jour, et d'avoir donc la chance de pouvoir participer à ce rêve aussi, qui est celui donc du domaine du jeu vidéo. Donc c'est l'arnaque complète. Bon, complète, on va dire. Ça vaut mieux que de rester à rien foutre à Paris avec des stages bidons. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas trop rêver, justement. Le futur qui attend les gens qui vont à Montréal, c'est celui-là. C'est celui de travailler à longueur de journée, faire un travail qui est quand même extrêmement harassant. Et puis, au bout de 10 ans, d'être jeté, puisque le domaine du jeu vidéo fonctionne exactement de la même manière que le domaine publicitaire. C'est-à-dire que vous rentrez à 25 ans et vous êtes éjecté à 35. Si vous n'avez pas la chance l'esprit guerrier pour devenir, on va dire, producteur. Donc là, vous êtes viré de votre boîte, ça c'est en quelle année, 2012 ? Non, j'étais pas viré de ma boîte parce que j'ai commencé à être indépendant, puis par la suite, je suis devenu prof. Donc en tant que prof, j'ai travaillé dans divers collèges et j'étais donc régulièrement viré de ces collèges pour on va dire mauvais esprit. Alors on peut dire deux mots justement aussi du domaine de l'éducation, parce que là aussi c'est quand même pas mal intéressant mon expérience, étant donné que ce qui se passe en France c'est toujours avec 10 ans de retard sur l'Amérique du Nord, on le sait bien. Donc j'ai pu vivre de l'intérieur ce que c'est que l'éducation, dans la société schizo-capitaliste ou libérale avancée. Donc être prof, c'est être un éducateur social au service des étudiants clients. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucune efficacité ni productivité. Au départ, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement du Québec avait pris des accords avec Ubisoft, entre autres, pour utiliser l'image de marque d'Ubisoft et développer une expertise, comme on dit, dans le domaine de l'éducation en jeux vidéo. Donc il faut savoir que j'ai monté le premier ou un des premiers programmes de conception 3D au niveau collégial. Au niveau collégial au Québec, c'est-à-dire ici, à peu près IUT ou DUT. Et que donc, à l'heure actuelle aussi, les premiers programmes au niveau donc, universitaire, donc là, je n'ai plus le titre exact, mais en tout cas plus avancé, c'est le Québec qui est en avance. Ce qui s'est passé, et pourquoi ça n'a absolument pas fonctionné, c'est que quand vous êtes dans un prof qui est là donc pour ne pas noter les étudiants, leur dire que le moindre caca qu'ils vont réaliser est absolument génial, parce que c'est des clients, vous ne pouvez pas vous permettre de leur dire non, ça c'est pas du bon boulot. Donc résultat des courses, personne n'a été content au final, parce que Ubisoft n'a jamais eu... ces hordes de programmeurs et de designers de près, parce que c'était généralement des incapables qui étaient produits par le système. Et puis, bon, en fait, le gouvernement, disons, provincial du Québec n'a jamais vraiment réussi à mettre en place une éducation, enfin un système performant. Mais on est là dans les contradictions totales du système, parce qu'en fait le système veut des gens qui sont nuls, qui sont médiocres, qui sont inefficaces, à la fois donc les étudiants et à la fois aussi les professeurs. Donc on n'a pas besoin de professeurs qui connaissent vraiment leur travail, on a juste besoin d'exécutants qui se contentent en fait des espèces de magnétophones qui vont répéter les poncifs sur du domaine, quoi. Et là, vous décidez de partir au Venezuela ? Non, absolument pas. Vous allez trop vite, mon cher ami. Je vais juste passer par l'étape intermédiaire. Le dernier boulot de prof que j'ai fait, c'était un programme que j'ai monté moi-même pour aller enseigner à des jeunes schizophrènes, justement. Autant aller directement avec les purs... le futur qui nous attend. Hein. On va tous devenir schizophrènes avec le Prozac à haute dose. Et est-ce que le système nous promet ? En tout cas, donc, les problèmes de santé mentale, et la santé mentale de Dantec aussi en est un exemple, sont extrêmement graves. Hein. Y a des taux, à l'heure actuelle, de psychose, hein, qui sont vraiment dus à tous les facteurs de la vie actuelle, de la vie quotidienne dans les grandes villes nord-américaines. Donc, résultat des courses, j'ai monté un projet pour enseigner à des jeunes schizophrènes la conception de jeux vidéo. Pourquoi à des jeunes schizophrènes ? Parce que le jeune schizophrène, la seule chose qui l'intéresse, c'est les jeux vidéo. Le monde ne l'intéresse pas, les gens réels ne les intéressent pas, ils sont effectivement complètement dans leur monde, mais ils adorent les jeux vidéo, donc effectivement c'est un programme qui a très très bien marché. Et pour réaliser ce programme, donc, je me suis fait donner une vingtaine d'ordinateurs par une société d'ingénierie, donc des ingénieurs qui avaient des ordinateurs achetés et qui étaient encore très très valables. Donc je les ai récupérés et j'ai enseigné donc, pendant un an à ces jeunes schizophrènes. Et j'ai trouvé qu'effectivement les coupures budgétaires de l'austérité conservatro-libéral de M. Harper ont fait que le programme a été évidemment coupé. Et donc je me suis retrouvé une fois de plus à la rue. Donc là, la cerise sur le gâteau. J'ai dit, bon, moi, c'est terminé. Parce que j'avais, bon, il faut quand même dire que comme j'étais en avance toujours de 10 ou 15 ans, mais je ne pouvais pas travailler chez Ubisoft parce que un designer étant mis à la retraite à 35 ans ou 40 ans, moi, j'en avais déjà 50. Donc, impossibilité de travailler chez Ubisoft. Et plus de possibilités de travailler comme professeur parce que là aussi, indésirable. Donc, je me suis dit, bah voilà, le programme a été arrêté, j'ai 20 ordinateurs sur les bras, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? J'ai pas envie de les foutre à la poubelle. Et là, j'y avais des amis, puisque j'étais avec tout le monde des arts, des cinéastes, musiciens à Montréal, il y en avait un qui avait organisé un festival culturel québéco-cubain. Et je me suis dit, bah tiens, c'est l'idée. À Cuba, je pense que mes 20 ordinateurs un peu vieux, là, ça va les brancher, ça va être intéressant. Et j'avais déjà visité Cuba, j'avais déjà été en tant que touriste. Et franchement, j'adore Cuba, les Cubains, les Cubaines, non, excusez-moi, enfin bref, tout ça, quoi, la révolution, Che Guevara. Et donc, je me disais, j'aimerais bien aller passer quelques mois là-bas, mais y travailler, avoir des contacts avec vraiment les Cubains, pas rester comme un con dans mon Club Med et puis sous mon cocotier. Alors donc, j'ai envoyé une lettre, en fin de compte, à une petite boîte d'animation cubaine pour leur dire, voilà, j'ai 20 ordinateurs, est-ce que ça vous intéresse et je peux vous donner des cours. Voilà, je suis aussi professeur de design 3D. Et donc, ils m'ont répondu 2 jours plus tard en disant, pas de problème, venez tout de suite. Voilà, donc j'ai été invité pendant 4 mois. À Holguín, donc dans la région de Cuba, proche du lieu où le Buena Vista Social Club provient, c'est-à-dire l'Oriente, pas loin de Guantanamo, à environ, je sais pas, une centaine de kilomètres de Guantanamo. Et donc, j'ai pu avoir un contact là avec les Cubains, et avec... le système cubain, avec la culture cubaine, etc. Et bon, ça a été une super expérience. Sauf que, arrivé là, ça ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Pour plusieurs raisons. Bon, il y avait déjà Raúl Castro qui avait commencé à faire des réformes, ces réformes, mais elles n'étaient pas encore vraiment en place. On parle là d'il y a 5 ans. Ça veut dire que, en plus, bon, pas d'argent, donc très très difficile d'immigrer là-bas, c'est impossible, donc je ne voyais pas quoi faire. Et à ce moment-là, la petite boîte d'animation était en train de faire un projet de coproduction avec le Venezuela, Vincent, voilà. Et donc, j'ai formé en fait des animateurs qui sont partis à Caracas, pour travailler sur un projet de long métrage 3D. Et donc là, je me suis dit, Venezuela, ah, bah oui, peut-être, ben, ça paraît intéressant. Moi, j'ai toujours trouvé très sympathique Monsieur Chavez, quelqu'un qui envoie paître le roi d'Espagne et qui dit ses 4 vérités à bouche. Pour moi, ça allait très très bien dans mon état d'esprit de l'époque. J'ai suivi, donc j'avais un copain qui avait une petite baraque du côté de Puerto La Cruz, c'est-à-dire en face de l'île de Margarita. Et donc j'ai été visiter là-bas. Et ça m'a plu. Et donc j'ai rencontré en même temps ma femme là-bas. Et j'ai commencé à faire quelques expériences, à donner des cours, à regarder qu'est-ce qui se passe là-bas. Bon, je me suis aperçu qu'il n'y avait rien au niveau du 3D et du jeu vidéo. C'est-à-dire, en gros, un pays avec des millions de jeunes qui, comme tous les jeunes sur la Terre, ne rêvent que d'une seule chose, c'est de faire des jeux vidéo, en tout cas beaucoup. Et aucun cours valable, aucune formation sérieuse là-dessus. Donc j'ai commencé par donner gratuitement des cours aux enfants et aux amis des cinéastes aussi que j'ai rencontrés là-bas. Et petit à petit, donc, je me suis aperçu qu'il y avait possibilité. Donc j'ai liquidé tout ce que j'avais au Québec et je me suis installé à Puerto La Cruz en 2012. Mais là, ce que j'ai pu développer, c'était un projet. Et je ne suis pas arrivé en fin de compte juste pour donner des petits cours aux enfants. C'est que j'avais depuis très longtemps une idée derrière la tête que je n'ai pas pu réaliser au Québec. Alors c'est là où les choses sont assez ironiques et paradoxales. C'est-à-dire que ce que les libéraux nous vendent comme le pays des opportunités, l'Amérique du Nord, vous arrivez... Si vous avez un projet, tout baigne, ça va, ça... Bon, ce qu'ils oublient de dire, c'est que si vous n'avez pas 200 000 dollars à la base, vous pourrez rester chez vous, quoi. Donc, vous allez être juste un cyber-esclave là-bas. Donc, ce qui a été le résultat. Par contre, dans une horrible dictature comme le Venezuela, donc j'ai cherché, c'est quoi la dictature ? J'ai rien vu qui ressemblait à une dictature. Et puis je me suis aperçu qu'en fait démarrer une entreprise là-bas était extrêmement simple, que ça posait pas de problème, qu'il y avait quasiment pas d'impôts, qu'il y a quasiment pas de réglementation. Quand je vous disais tout à l'heure, pour monter un collège privé au Québec, il faut vraiment 200 000 dollars. Si vous n'avez pas 200 000 dollars, vous ne pouvez pas monter, légalement parlant, monter... un collège privé. Et donc, au Venezuela, aucun problème. J'ai commencé avec deux ordinateurs pourris d'occasion et j'ai commencé à donner mes cours. Et puis, bon, les gens sont venus petit à petit. Le succès a commencé assez rapidement. On a fondé avec ma femme un collège privé qui s'appelle donc Venetresde, on a formé en 5 ans à peu près 150 personnes. On a maintenant 3 ou 4 professeurs. On donne des cours aussi bien donc de modélisation 3D, d'animation 3D, de conception de jeux vidéo, de conception de musique numérique, puisque j'étais musicien aussi, donc j'aborde tous ces domaines-là. Et vous êtes financé par vos étudiants ou vous avez aussi une aide gouvernementale ? Non, rien du tout. Ça a été financé de zéro. Donc pour le coup, c'est vraiment libéral ? Absolument, absolument. Donc, paradoxalement. C'est le paradoxe. C'est-à-dire que si vous voulez créer votre auto-entreprise, hein, ce qu'on appelle le poujadisme, le populisme, toutes ces horreurs, en fait, c'est quoi ? Je veux dire, au Venezuela, si vous crevez de faim, vous pouvez commencer à vendre des hot dogs sur le trottoir. Il n'y a aucun problème. Donc, vous allez pouvoir vivre. Je ne parle même pas de Cuba où, en fin de compte, tout est pris en charge. Mais c'est à peu près le même système. Donc, disons que Chavez a mis un système hybride dans lequel il y a toute possibilité de liberté d'entreprendre, mais aussi un protectionnisme qui permet justement à ce que les grandes multinationales mettent pas en place ces règlements qui font que les PME, qui sont elles, on le sait, apportent du travail et permettent au chômage de ne pas se développer. Quand c'est les multinationales qui font la loi, qu'est-ce qui se passe? Ils se protègent et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils bloquent les PMI, PME à plein de niveaux, réglementaires, financiers. Vous ne trouvez jamais d'argent pour monter vos entreprises. Bon. Au Venezuela, il n'y a aucun problème parce que les critères sont tellement bas. C'est-à-dire que si vous avez un élève, il ne va pas se comporter comme au Québec où il va exiger toutes les choses. Il va exiger un ordinateur de dernière génération. Il va exiger X, Y, Z. Non, les gens là-bas étaient très contents de pouvoir avoir accès à une formation comme ça. Et même si les ordinateurs au début étaient pourris, ce n'était pas grave. Donc, petit à petit, le projet s'est développé. Donc, quand je suis arrivé, Chavez était encore vivant, il était malade. Tout allait bien, l'économie était encore assez florissante. Et effectivement, le collège pouvait fonctionner comment dire, en autofinancement, c'est-à-dire qu'en vendant mes cours, le collège était rentable. Alors rappelons pour nos auditeurs, puisque vous abordiez le sujet tout à l'heure, que 80% du PIB vénézuélien est le produit du secteur privé. Contrairement aux idées reçues, on croit que c'est une dictature crypto-communiste. Et 20% du PIB est produite par le secteur public. Et ces données-là n'ont pas varié au cours, ou très légèrement au cours de la présidence d'Hugo Chavez, puisqu'en réalité, les nationalisations, les vagues de nationalisation de 2007 et 2008, qui a mis en place Hugo Chavez dans les grands secteurs, était le fruit d'une stratégie qui lui permettait de contrôler les secteurs stratégiques et non pas de contrôler l'ensemble de l'économie. Et au contraire, de promouvoir la propriété privée à l'échelle des individus en incitant les banques à prêter aux petites gens pour pouvoir investir dans des moyens de production. Xavier ? Oui, Vincent, par comparaison, les dépenses publiques en France, c'est 57% du PIB. Hein. C'est ça, 56,57% du PIB, effectivement. Donc on est bien dans un système pseudo-socialiste d'hyperclasse, donc en fait tout est fait pour les multinationales. Les gens sont toujours dans cette illusion que les grandes entreprises ou l'État peut arriver à régler les problèmes, mais évidemment, les gisements d'emploi viennent des PME et des PMI. Et donc ça, c'est effectivement... à longueur d'année, dans les médias, ce léger problème, on évite de le dire. Pourquoi ? Parce que effectivement, c'est du poujadisme. Alors, donc voilà, mon père était petit industriel sous De Gaulle, et en fait, quand on retrouve la même position sous De Gaulle, c'était celle de Chavez, hein, ni plus ni moins. Alors, une petite parenthèse sur un événement que vous avez vécu, un événement historique. Puisque vous avez vécu la mort de Chavez, comment la société vénézuélienne a-t-elle réagi à son décès ? C'est sûr que ça a donné lieu à des choses assez, comment dire, des expressions du peuple, de la foule assez grandes. Donc, évidemment, plusieurs années après sa mort, les gens continuent à mettre des fleurs à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, etc. Mais bon, ce qui se passe, c'est que moi, je peux difficilement donner, un témoignage. Premièrement, parce qu'au début, je parlais pratiquement pas l'espagnol. Donc là, on était au tout début et j'avais beaucoup de mal à suivre, à écouter les informations. Parce que pour moi, c'était très difficile de comprendre. Et donc, j'étais aussi dans ma petite bulle, concentré sur cette... ce projet donc d'entreprise. Alors tout ce que je peux dire, c'est que depuis la mort de Chavez, effectivement, j'ai vu le pays qui a été attaqué et qui a été maintenant on peut le dire et c'est ce qu'on voit qui a été détruit par évidemment les attaques de nos chers amis banksters qui ont certainement assassiné Chavez, mais qui ont effectivement derrière programmé la destruction de l'économie réelle du pays. C'est ça, parce que depuis l'accession au pouvoir de Maduro à la tête du Venezuela, on a vu une attaque médiatique concertée à l'échelle internationale. Chaque jour, un article sort expliquant qu'il y a la famine au Venezuela, que le Venezuela est au bord de la banqueroute. Qu'en est-il, vous qui vivez là-bas ? Quand on se balade dans la rue, les gens sont gras. Alors donc, je ne sais pas où est-ce que... On voit aussi sur les images dans BFM, on nous explique à la famine, on voit les gens bien gras. Exactement, c'est parce que, là où il faut aussi savoir pourquoi, c'est parce qu'effectivement, ils sont américanisés. Alors là aussi, c'est un cliché qu'on peut retirer. C'est-à-dire que 80% de la population a le cerveau lavé, comme dans tous les pays, par la propagande américaine. Donc, effectivement, ils portent des casquettes de baseball à l'envers, ils ont des t-shirts Adidas, et puis ils bouffent des hamburgers et boivent du Coca-Cola. Quand on sait qu'on peut boire des jus de fruits absolument merveilleux, naturels, etc., ils vont dépenser leur argent pour boire du Coca-Cola. Et effectivement, à haute dose, hein, ça, c'est le refresco, c'est une calamité, quoi. Donc, on se demande d'où viennent toutes ces c'est vraiment une inversion totale de la réalité. C'est-à-dire que c'est un pays qui, effectivement, j'ai pu le constater, est totalement libre, à la fois culturellement et à la fois économiquement, certainement plus libre que l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc, effectivement, la famine, alors on peut en toucher deux mots. Qu'est-ce qui se passe ? C'est surtout les produits importés. Donc, effectivement, le Venezuela a toujours eu un problème, c'est qu'il ne produit plus tout un tas de produits, et que les gens ont été habitués, comme le pays était riche, au luxe. C'est-à-dire, le luxe, c'est quoi ? Bah, c'est manger de la baguette. Je suis désolé, mais au Venezuela, il n'y a pas de blé qui pousse. Hein. Donc là, c'est impossible à faire parce que c'est un pays tropical. Donc c'est seulement le maïs qui peut pousser et des fruits, des légumes, des patates. Donc tous ces fruits, légumes, patates, tout ça se retrouve en masse dans les marchés. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le seul problème, c'est tous les produits importés. Donc, comme la monnaie a été détruite par les banksters, qu'est-ce qui se passe ? La monnaie ne vaut plus rien. Si la monnaie ne vaut plus rien, comme les produits importés sont payés en dollars, évidemment, les commerçants ne peuvent plus acheter ces produits pour les distribuer. Et donc, les gens ne peuvent plus, les clients finaux, le peuple, ne peut plus acheter ces produits, comme le papier toilette, etc., mais simplement parce que c'est le problème de ces produits importés. Xavier ? Et cette déstabilisation massive de l'Amérique du Sud, depuis quelque temps, on a vu également l'arrivée d'un nouveau président péruvien. Pedro Pablo Kuczynski. Voilà, plutôt inféodé aux États-Unis. Le renversement qui s'est opéré en Argentine et puis plus récemment au Brésil. Argentine, c'est une élection. Elle a perdu aux élections, Kirchner. Mais ça revient au même. Ça revient au même. Oui, mais suite à des déstabilisations économiques. Tout à fait. Bien sûr. Bon, bah là, ça me paraît clair. Les États-Unis ont décidé de reprendre le contrôle de leur précaré, donc de leur colonie. Ça s'est fait sous Obama. Parce que Bush étant concentré sur l'Irak, il avait laissé fleurir un peu une espèce d'oasis de liberté. Et paradoxalement, c'est Obama qui a remis le coup de baguette. Quoi. C'est ça. Donc, en fait, moi, j'ai eu l'occasion de visiter, en plus de Cuba et du Venezuela, le Pérou et la Colombie, qui sont en fait maintenant les zones dollarisées, et de voir comment ça fonctionne. Et puis, le paradis des multinationales. J'ai essayé de voir si c'était possible pour moi, par exemple, d'aller enseigner la 3D au Pérou. Et bon, voilà, c'était exactement la même chose que si j'étais au Québec, c'est-à-dire si j'acceptais de devenir un petit rouage, un prof qui ferme sa gueule et qui va enseigner de manière industrielle à des graphistes qui qui vont être employés par Hollywood, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Une filière de recrutement. Voilà, c'est du travail à du cheap labor, ce qu'on appelle, hein, donc la main d'œuvre à bon marché pour Hollywood. Et c'est uniquement ça, hein. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'essayer de développer des projets de collaboration, notamment en Colombie, justement à Pereira, pas loin de Medellín. Et puis, c'est ça, les gens ne voient que par Hollywood. Alors, il y a certains graphistes qui travaillent, certains graphistes latinos, donc colombiens, qui travaillent à Hollywood et qui sont en contact avec leur pays, mais c'est uniquement via la lunette de Hollywood. Alors, pour en revenir à mon projet, il se passe que moi, depuis des années, et en fait depuis 30 ans, quand j'ai commencé la 3D, j'ai toujours voulu réaliser des films alternatifs, c'est-à-dire non pas de faire des copies de Walt Disney comme ce qui se fait depuis déjà quasiment 20 ans, pour les enfants, de faire, parce qu'on peut faire d'autres choses avec l'animation 3D, mais il faut régler un certain nombre de problèmes, dont, pour en toucher deux mots, un film 3D, ça nécessite 300 à 400 personnes. Donc si vous n'avez pas un budget hollywoodien, c'est impossible à faire. Hein, ça veut dire que avec les coûts salariaux français ou américains, vous arrivez tout de suite à des budgets qui sont minimalement de 5 millions de dollars pour vraiment faire un petit truc à 100 millions de dollars. Alors donc effectivement, si vous ne vivez pas en Californie, si vous déjeunez pas avec les gens de chez Pixar tous les jours, il n'y a aucune chance pour un producteur réalisateur indépendant comme moi de pouvoir faire un projet de long métrage 3D. Mais bon, je me suis accroché à cette idée et en fait elle était liée au projet du collège, c'est-à-dire que le concept de base de Véné 3D, c'est d'apprendre en faisant et de produire en apprenant. Donc c'est plus une approche d'autodidacte déjà, puisque de toute façon moi j'ai quasiment tout fait en autodidacte. Et donc c'est aussi une approche plus, moyenâgeuse. Alors bon, moi j'adore les oxymores et travailler comme un compagnon, c'est-à-dire quelqu'un qui aime son métier, qui transmet aux jeunes son amour du métier bien fait, et non pas d'être dans cette espèce de monde de gadgets où on change de iPhone toutes les deux semaines. Non. Moi, je travaille avec des PC qui datent d'il y a 4 ou 5 ans. Ça me va très, très bien. Et ce qui compte avant tout, donc, c'est ça, c'est... Bon, la technologie, c'est un outil. C'est un outil dans une culture d'artisans. Et c'est comme ça que je vois les choses. Et je vois aussi les choses de la même manière pour sa part artistique. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de reproduire les clichés hollywoodiens au niveau des scénarios, au niveau du design. On peut faire des choses extraordinaires, autre chose. Et donc, on a commencé à avoir des problèmes parce que le collège n'arrivait plus à s'autosuffire, parce que l'économie commençait à se casser la gueule. Donc, il a fallu trouver des solutions. Et il s'est trouvé qu'en fin de compte, de manière fortuite et parallèle, j'ai commencé à découvrir sur Internet, parce que je passe mon temps, étant donné que... Au Venezuela, il n'y a aucune librairie française, je ne peux même pas trouver un libé ou quoi que ce soit. Donc, il y a impossibilité pour moi de parler et de lire le français. Donc, je passe du temps, un certain temps, pour rester en contact avec la France et avec le Québec. Et il se trouve que je suis tombé par hasard sur une vidéo, certaines vidéos avec un canapé rouge, puis un mec qui parle sur ce canapé rouge. Et puis j'ai trouvé ça intéressant ce que ce mec disait et que j'étais absolument d'accord avec lui. Donc petit à petit, j'ai commencé à apprécier la position de ce monsieur Soral et de son organisation. Et un jour, pour plaisanter, j'ai envoyé un message... Parce que Dantec lui faisait des misères, donc j'ai dit, regarde, s'il te fait chier, tu lui dis ça, ça et ça, puis il va fermer sa gueule. Et donc, il m'a répondu. Alors, j'ai reçu un message d'Alain, petit à petit, on a commencé à parler, etc. J'ai regardé la littérature qui était publiée par Contre-Culture, et je suis tombé sur cette bande dessinée qui s'appelle « Ayot People ». Et puis, donc, j'ai trouvé ça très intéressant, à tous les niveaux, au niveau du scénario qui n'est pas tout à fait, on va dire, hollywoodien ni disneyien, et puis au niveau du look, qui est très intéressant parce que ça peut s'adapter en 3D. Alors, j'y ai envoyé... Alors, préciser, Yacht People, dont l'histoire a été écrite par Alain Soral, dont les dialogues ont été écrits par Dieudonné, et dont les dessins ont été faits par Zéon. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai proposé à Alain, j'ai dit, regarde, moi, je suis en train de monter un petit studio. Et on a les capacités techniques de produire, donc à très bas coût, même si je paye très bien mes ingénieurs. Alors c'est aussi, j'ai développé avec le temps un certain nombre de technologies, un certain savoir-faire spécial qui s'appelle le cinéma virtuel. Donc, deux mots sur le cinéma virtuel. Un film 3D traditionnel comme Kung Fu Panda ou Shrek, c'est donc, comme je disais, 300-400 personnes. Et c'est fait manuellement, c'est-à-dire qu'il y a des animateurs traditionnels 3D qui réalisent des animations extrêmement complexes, extrêmement sophistiquées, bien sûr, mais très très longues. Donc c'est pour ça que ça prend beaucoup beaucoup de monde. Et donc moi, comme j'avais une formation en robotique, je me suis spécialisé dans une technologie qui s'appelle la capture de mouvement, la mocap, ce qui permet en fin de compte de faire des animations beaucoup plus rapidement en utilisant simplement des acteurs qui vont, dont on va utiliser les mouvements pour contrôler les personnages. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, par rapport au ciné virtuel, c'est que, étant donné que j'ai travaillé dans le domaine du jeu vidéo, j'ai appris les outils du jeu vidéo. Et là, on est dans un domaine qui est en fait très différent, parce que même si les deux domaines utilisent par exemple la 3D, ils ne le font pas du tout de la même manière. Et quelqu'un qui travaille dans le domaine du jeu vidéo, généralement, ne peut pas travailler dans le domaine du film 3D. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes techniques. Et en fait, donc, moi, j'ai développé un savoir-faire qui permet d'utiliser des techniques venant du jeu vidéo et qui permettent de réaliser des films d'animation beaucoup plus rapidement, donc à bas coût, et donc de pouvoir proposer des scénarios sur un marché beaucoup plus restreint, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Si Hollywood et Disney se concentrent sur le marché familial, c'est-à-dire qu'il va de 7 ans à 77 ans, c'est qu'ils doivent rentabiliser leurs 100 millions de dollars d'investissement. À partir du moment où vous pouvez réaliser un film, un long métrage complet 100 fois moins cher, vous pouvez non pas faire 100 fois plus d'argent, ça ne m'intéresse absolument pas, simplement faire quelque chose qui va s'adresser à un public beaucoup plus restreint. Ou beaucoup plus, donc ce qu'on appelle un segment marketing. Donc ça peut être de faire un film d'horreur avec de la musique heavy metal ou de la musique, enfin des choses qui sortent du créneau familial et donc quelque chose de beaucoup plus intéressant au niveau artistique. Alors cette technique avant était connue, s'appelait machinima, mais on parle maintenant de ciné virtuel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut travailler comme un cinéaste. Hein. Dans les sociétés d'animation 3D traditionnelles, ce n'est pas du tout la même manière d'un cinéaste. Hein. C'est-à-dire, comme on n'utilise pas d'acteur, comment je pourrais dire ? Au cinéma, comment ça se passe ? Vous avez un réalisateur qui tourne avec des acteurs, et puis donc, quand c'est tourné, vous avez des rushs et vous avez le montage. En animation traditionnelle, c'est pas du tout comme ça. Vous avez un storyboard et puis vous avez donc des animateurs qui travaillent pendant un an, pendant deux ans pour développer ça. Et vous êtes obligé d'attendre des mois et des mois pour voir le résultat. En ciné virtuel, donc la technique que j'utilise, vous avez le résultat quasiment en temps réel, ce qu'on appelle, c'est-à-dire tout de suite. Vous pouvez voir le résultat et donc travailler plus, par exemple, faire des improvisations, ce qui n'est pas possible en animation traditionnelle, et donc travailler plus comme un réalisateur de cinéma et pas un réalisateur de films d'animation. Donc c'est un projet à la fois d'école et de production. Absolument. Donc maintenant, les deux sont liés, et dans mon esprit, c'était lié aussi à la philosophie du pays. C'est-à-dire que nous sommes structurés, donc Véné3D est structuré comme, en tout cas la partie production, comme une coopérative de designers indépendants qui travaillent avec nous, que nous avons formés, mais qui travaillent avec nous, qui peuvent travailler sur d'autres projets s'ils en ont envie. Mais en tout cas, donc il y a l'aspect aussi structuration de la production qui se fait de manière à être cohérente avec, je dirais, la culture chaviste et ce projet de société donc Chavez a mis en place. Et pratiquement, au niveau de la production de Youth People, vous pensez pouvoir le sortir Vous avez un délai, une deadline? Alors, donc, ce qui se passe, c'est qu'on en est maintenant à une... Donc, il y a certaines phases dans la production. On a modélisé, donc dessiné dans l'espace les personnages. Il y a à peu près 150 personnages dans Youth People. C'est un projet fou, hein. C'est un truc complètement débile, parce que si vous regardez Kung Fu Panda, je ne sais pas combien il y a de personnages, mais c'est pas des masses, hein. Et avec une équipe de 300 gars, je ne sais pas si... Donc, on a réalisé là la modélisation des 150 personnages, de tous les décors. Et donc, on en est maintenant à la phase d'animation. Donc, la mise en mouvement des personnages dans le décor. Exactement, la mise en mouvement et dans celle de l'enregistrement des voix des acteurs. Donc, ce qui a été décidé aussi, c'est que le film ne va pas être livré comme un long métrage tout d'un bloc, mais il va être découpé, donc on va sortir ça en épisodes. Et le premier épisode, normalement, devrait sortir soit en septembre, soit en octobre 2016. Et donc c'est un projet fait en partenariat avec Égalité et Réconciliation. Je crois que c'est important de le souligner, parce que les auditeurs peut-être ne le savent pas, mais vous avez reçu l'aide, disons-le, de Alain Soral. Tout à fait. Donc en fait, c'est une coproduction. Véné3D, donc le collège a été sauvé par Alain Soral et donc Contre Culture parce qu'effectivement, il y a un investissement financier et un soutien sur le projet maintenant depuis combien de temps ? Un an et demi. Voilà. Depuis un an et demi, le studio et le collège fonctionnent et survivent uniquement grâce à l'aide d'Alain Soral et d'Égalité et Réconciliation. Alors, Eric, vous m'aviez fait part, en privé, de vos difficultés à trouver des voix françaises pour vos personnages. Alors, peut-être que nous pourrions profiter, justement, du fait que nous avons plusieurs milliers de gens qui nous écoutent pour lancer un appel, peut-être que ça pourrait vous être utile. Tout à fait. Donc, s'il y a des gens qui connaissent bien Youth People et qui sont soit acteurs, soit qui font des voix off... On est en train de faire le casting donc pour pouvoir avoir des voix françaises, parce que donc au Venezuela on a les acteurs pour faire la version espagnole, parce qu'on a normalement ça va sortir aussi en version espagnole, mais il nous manque donc les voix françaises. Il y a une adresse mail sur laquelle il faut vous contacter, qu'on pourrait mettre Là, je pense qu'il vaut mieux peut-être passer par Égalité et Réconciliation. Ou sinon, le site Véné3D, qui est facilement trouvable sur Internet. Oui, alors sinon, ça peut être effectivement... Alors, donc, c'est Véné3D, V-E-N-E-3-D, @gmail.com. Alors, donc, en fait, oui, par rapport aux gens dont on a besoin... Ce qui serait idéal, ce serait des gens qui sont capables de faire des imitations, c'est-à-dire en fin de compte, on a 15 personnages principaux, il nous faudrait peut-être 3 ou 4 personnes qui seraient capables de faire 3 ou 4 voix différentes. D'imiter qui essentiellement? Alors il y a Susfeld, il y a Massimo, le présentateur zoophile, c'est aussi aux gens qui connaissent Youth People, hein. Il faut mettre le nez dans la bande dessinée pour comprendre à la fois le positionnement éditorial du truc et donc le style de voix dont on a besoin. Mais effectivement, c'est plutôt de la caricature. Alors voilà. Bande dessinée qu'on peut trouver sur contreculture.com. Alors Eric, on va conclure sur un sujet important pour Égalité et Réconciliation, c'est Solidaire. Ton projet s'inscrit totalement dans le cadre du projet Solidaire mis en place par Égalité et Réconciliation. Effectivement, donc ce qui m'a intéressé et ce qui est assez extraordinaire, parce qu'en fin de compte c'est une coïncidence, mais Alain a commencé à lancer cette idée de solidarité entrepreneuriale, donc en fin de compte à notre niveau, essayer de faire des partenariats, des collaborations qui permettent en fin de compte de développer une alternative à plein de niveaux. Donc là, on est sur une alternative à la fois d'éducation et à la fois de culture. Donc d'essayer de trouver des moyens de diffuser la culture française, l'excellence qu'on a. Bon, les dessins de Zéon sont vraiment d'un niveau extraordinaire, donc de mettre en valeur ce travail qui a été fait par Zéon et de lui donner une visibilité internationale. Alors l'idée, effectivement, par la suite, c'est d'essayer de diffuser ça par Internet. Et donc on va certainement faire un programme de sociofinancement pour pouvoir continuer et terminer donc ce projet qui, donc je le rappelle, est terminé du point de vue graphique à 80%. Il ne nous reste plus qu'à finir les animations. Et pour les gens qui vont faire les voix, vous offrez le voyage au Venezuela ? Non, là, si vous voulez aller vous bronzer, il n'y a pas de problème, mais c'est vous qui payez le billet d'avion. Nous, en tout cas, bref. Éric, vous voulez rajouter un mot ? Oui, je voudrais juste faire un petit coucou à Nicolas. Alors Nicolas, c'est un sympathisant ER français qui fait le tour du monde et qu'on a croisé par hasard sur le bord de la plage à Puerto La Cruz. Et qui, donc, est reparti, là, il est en Colombie, je pense. Donc, coucou Nicolas. Éric, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Donc, le message pour les voix, l'enregistrement des voix est lancé. Donc, on suivra ce projet avec beaucoup d'attention. Et je rajoute que ceux qui choisissent de t'aider dans ce projet aident le projet Solidaire. C'est ça, Éric ? Oui, un projet donc, qui est à la fois éducatif et créatif. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Alors, je devais rajouter quelque chose. Chers auditeurs, comme vous savez, j'ai écrit une biographie sur Hugo Chavez, mais pas que. Il y a également un film qui va sortir, ainsi que l'anthologie des discours. Donc c'est un coffret qui sortira très prochainement aux éditions Contre-Culture. La date précise, je ne l'ai pas, c'est à la rentrée, au mois de septembre. Donc vous pourrez suivre ça sur le site de contreculture.com. Et bien évidemment, on fera une émission spéciale dédiée à la vie d'Hugo Chavez. Hein, Xavier ? Voilà. Alors, donc, je ne sais pas qui on va inviter. Je voulais juste dire qu'il va y avoir quelques images, puisqu'on est aussi en train de préparer un trailer, donc une vidéo de démo dans laquelle vous allez pouvoir voir nos studios, nos étudiants qui travaillent, etc. Et avoir aussi quelques images exclusives, donc des personnages adaptés donc, de la bande dessinée de Zéon. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Casper Valmé. Son album est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter L'Assaut. Bonne écoute à tous, à la semaine prochaine.